FSI French Revised, Unit 4, Tape 2. Useful words. Je voudrais du pain. Je voudrais du pain. De la viande. Je voudrais de la viande. Du fromage. Je voudrais du fromage. De l'aspirine. Je voudrais de l'aspirine. Du beurre. Je voudrais du beurre. Du café. Je voudrais du café. Où trouve-t-on du lait? Où trouve-t-on du lait? Des œufs. Où trouve-t-on des œufs? Des gâteaux. Où trouve-t-on des gâteaux? Du sucre. Où trouve-t-on du sucre? De la salade. Où trouve-t-on de la salade? Des fruits. Où trouve-t-on des fruits? Les médicaments sont chers. Les médicaments sont chers. Les vêtements. Les vêtements sont chers. Les bijoux. Les bijoux sont chers. Les manteaux. Les manteaux sont chers. Les robes. Les robes sont chères. Les costumes. Les costumes sont chers. Où est le linge? Où est le linge? Le sucre. Où est le sucre? La viande. Où est la viande? Le pain. Où est le pain? L'aspirine. Où est l'aspirine? La salade. Où est la salade? Ils sont à la pharmacie. Ils sont à la pharmacie. La boucherie. Ils sont à la boucherie. La boulangerie. Ils sont à la boulangerie. La crèmerie. Ils sont à la crèmerie. La pâtisserie. Ils sont à la pâtisserie. La bijouterie. Ils sont à la bijouterie. La blanchisserie. Ils sont à la blanchisserie. La teinturerie. Ils sont à la teinturerie. L'épicerie. Ils sont à l'épicerie. Nous allons chez le pharmacien. Nous allons chez le pharmacien. Chez le boucher. Nous allons chez le boucher. Chez le boulanger. Nous allons chez le boulanger. Chez le crémier. Nous allons chez le crémier. Chez le pâtissier. Nous allons chez le pâtissier. Chez le bijoutier. Nous allons chez le bijoutier. Chez le blanchisseur. Nous allons chez le blanchisseur. Chez le teinturier. Nous allons chez le teinturier. Chez l'épicier. Nous allons chez l'épicier. Chez le cordonnier. Nous allons chez le cordonnier. Chez le marchand de légumes. Nous allons chez le marchand de légumes. Je vais nettoyer tout ce qui reste. Je vais nettoyer tout ce qui reste. Réparer. Je vais réparer tout ce qui reste. Laver. Je vais laver tout ce qui reste. Repasser. Je vais repasser tout ce qui reste. Donner. Je vais donner tout ce qui reste. Lexical drills. Lexical drill A1. Savez-vous à quelle heure ferment les magasins? Savez-vous à quelle heure ferment les magasins? Par le train? Savez-vous à quelle heure part le train? Ils arrivent. Savez-vous à quelle heure ils arrivent? Ferme les bureaux. Savez-vous à quelle heure ferment les bureaux? Je peux commencer. Savez-vous à quelle heure je peux commencer? Il doit arriver. Savez-vous à quelle heure il doit arriver? Il va venir. Savez-vous à quelle heure il va venir? Je prends le train. Savez-vous à quelle heure je prends le train? Nous déjeunons. Savez-vous à quelle heure nous déjeunons? Ferme les magasins. Savez-vous à quelle heure ferment les magasins? Lexical drill A2. Je crois qu'il ferme à 6 heures. Je crois qu'il ferme à 6 heures. Qu'ils arrivent à 8 heures. Je crois qu'ils arrivent à 8 heures. Qu'ils ont des places. Je crois qu'ils ont des places. Qu'elle prend le train. Je crois qu'elle prend le train. Qu'il est en vacances. Je crois qu'il est en vacances. Qu'il prend un taxi. Je crois qu'il prend un taxi. Que le taxi est libre. Je crois que le taxi est libre. Que je vais en ville. Je crois que je vais en ville. Que c'est tout ce qui reste. Je crois que c'est tout ce qui reste. Que j'arriverai à temps. Je crois que j'arriverai à temps. Quelle chose du 38. Je crois quelque chose du 38. Qu'on loue au premier étage. Je crois qu'on loue au premier étage. Qu'il ferme à 6 heures. Je crois qu'il ferme à 6 heures. Lexical drill A 3. Si je prends un taxi, j'arriverai à temps. Si je prends un taxi, j'arriverai à temps. J'arriverai à l'heure. Si je prends un taxi, j'arriverai à l'heure. J'arriverai à 9 heures. Si je prends un taxi, j'arriverai à 9 heures. J'arriverai à midi. Si je prends un taxi, j'arriverai à midi. J'arriverai en avance. Si je prends un taxi, j'arriverai en avance. J'arriverai à 5 heures. Si je prends un taxi, j'arriverai à 5 heures. J'arriverai à 6 heures. Si je prends un taxi, j'arriverai à 6 heures. J'arriverai à temps. Si je prends un taxi, j'arriverai à temps. Lexical drill A 4. Voulez-vous que je vous dépose quelque part? Voulez-vous que je vous dépose quelque part? Au magasin? Voulez-vous que je vous dépose au magasin? Chez vous? Voulez-vous que je vous dépose chez vous? À la gare? Voulez-vous que je vous dépose à la gare? À l'hôtel? Voulez-vous que je vous dépose à l'hôtel? Au restaurant? Voulez-vous que je vous dépose au restaurant? À la pharmacie? Voulez-vous que je vous dépose à la pharmacie? Quelque part? Voulez-vous que je vous dépose quelque part? Lexical drill A 5. Oh, je ne voudrais pas vous déranger. Oh, je ne voudrais pas vous déranger. Oh, je ne vais pas. Oh, je ne vais pas vous déranger. Oh, il ne voudrait pas. Oh, il ne voudrait pas vous déranger. Oh, il ne va pas. Oh, il ne va pas vous déranger. Oh, nous n'allons pas. Oh, nous n'allons pas vous déranger. Oh, elle ne voudrait pas. Oh, elle ne voudrait pas vous déranger. Oh, elle ne va pas. Oh, elle ne va pas vous déranger. Oh, je ne voudrais pas. Oh, je ne voudrais pas vous déranger. Lexical drill A 6. Je dois justement aller en ville. Je dois justement aller en ville. Acheter quelque chose. Je dois justement acheter quelque chose. Déjeuner là-bas. Je dois justement déjeuner là-bas. Prendre le train. Je dois justement prendre le train. Aller au magasin. Je dois justement aller au magasin. Acheter de l'aspirine. Je dois justement acheter de l'aspirine. Repasser une chemise. Je dois justement repasser une chemise. Réveiller les enfants. Je dois justement réveiller les enfants. Prendre un ticket de quai. Je dois justement prendre un ticket de quai. Aller en ville. Je dois justement aller en ville. Lexical drill A 7. Je dois justement aller en ville. Je dois justement aller en ville. Nous allons justement. Nous allons justement aller en ville. Il va justement. Il va justement aller en ville. Elle doit justement. Elle doit justement aller en ville. Je voudrais justement. Je voudrais justement aller en ville. J'espère justement. J'espère justement aller en ville. Je vais justement. Je vais justement aller en ville. Je dois justement. Je dois justement aller en ville. Lexical drill A 8. Alors, j'accepte volontiers. Alors, j'accepte volontiers. Je pars. Alors, je pars volontiers. Nous acceptons. Alors, nous acceptons volontiers. Je rentre. Alors, je rentre volontiers. Nous écoutons. Alors, nous écoutons volontiers. Ils acceptent. Alors, ils acceptent volontiers. J'écoute. Alors, j'écoute volontiers. J'accepte. Alors, j'accepte volontiers. Lexical drill A 9. Celles-ci sont en solde à 15 francs. Celles-ci sont en solde à 15 francs. À 11 francs. Celles-ci sont en solde à 11 francs. À 13 francs. Celles-ci sont en solde à 13 francs. À 3 francs. Celles-ci sont en solde à 3 francs. À 12 francs. Celles-ci sont en solde à 12 francs. À 10 francs. Celles-ci sont en solde à 10 francs. À 2 francs. Celles-ci sont en solde à 2 francs. À 6 francs. Celles-ci sont en solde à 6 francs. À 15 francs. Celles-ci sont en solde à 15 francs. Lexical drill A 10. Nous en vendons beaucoup. Nous en vendons beaucoup. Donnons. Nous en donnons beaucoup. Demandons. Nous en demandons beaucoup. Lavons. Nous en lavons beaucoup. Repassons. Nous en repassons beaucoup. Louons. Nous en louons beaucoup. Réparons. Nous en réparons beaucoup. Trouvons. Nous en trouvons beaucoup. Vendons. Nous en vendons beaucoup. Lexical drill A 11. Donnez-m'en 4. Donnez-m'en 4. 6. Donnez-m'en 6. 9. Donnez-m'en 9. 10. Donnez-m'en 10. 2. Donnez-m'en 2. 1. Donnez-m'en 1. 5. Donnez-m'en 5. 8. Donnez-m'en 8. 4. Donnez-m'en 4. Lexical drill A 12. C'est exactement ce qu'il me faut. Donnez-m'en 4. C'est exactement ce qu'il me faut. Donnez-m'en 4. Trouvez-m'en 4. C'est exactement ce qu'il me faut. Trouvez-m'en 4. Apportez-m'en 2. C'est exactement ce qu'il me faut. Apportez-m'en 2. Achetez-m'en 3. C'est exactement ce qu'il me faut. Achetez-m'en 3. Montez-m'en 5. C'est exactement ce qu'il me faut. Montez-m'en 5. Donnez-m'en plusieurs. C'est exactement ce qu'il me faut. Donnez-m'en plusieurs. Achetez-m'en 4. C'est exactement ce qu'il me faut. Achetez-m'en 4. Donnez-m'en 4. C'est exactement ce qu'il me faut. Donnez-m'en 4. Lexical drill A 13. Je voudrais aussi acheter des chaussures. Je voudrais aussi acheter des chaussures. Trouver un taxi. Je voudrais aussi trouver un taxi. Trouvez mon ami. Je voudrais aussi trouver mon ami. Essayez ce costume. Je voudrais aussi essayer ce costume. Présentez mon ami. Je voudrais aussi présenter mon ami. Remerciez mes amis. Je voudrais aussi remercier mes amis. Retenir mes places. Je voudrais aussi retenir mes places. Commencez plus tard. Je voudrais aussi commencer plus tard. Changer de chambre. Je voudrais aussi changer de chambre. Acheter des chaussures. Je voudrais aussi acheter des chaussures. Lexical Drill A14. Voici trois modèles en marron. Voici trois modèles en marron. Deux modèles. Voici deux modèles en marron. Plusieurs modèles. Voici plusieurs modèles en marron. Quelques modèles. Voici quelques modèles en marron. Un modèle. Voici un modèle en marron. Des modèles. Voici des modèles en marron. Le modèle. Voici le modèle en marron. Les modèles. Voici les modèles en marron. Trois modèles. Voici trois modèles en marron. Lexical Drill A15. Voulez-vous les essayer? Voulez-vous les essayer? Prendre. Voulez-vous les prendre? Suivre. Voulez-vous les suivre? Apporter. Voulez-vous les apporter? Écoutez. Voulez-vous les écouter? Excusez. Voulez-vous les excuser? Réveillez. Voulez-vous les réveiller? Présenter. Voulez-vous les présenter? Réparer. Voulez-vous les réparer? Essayez. Voulez-vous les essayer? Lexical Drill B1. Je crois qu'il ferme à 6 heures. Je crois qu'il ferme à 6 heures. Qu'il part. Je crois qu'il part à 6 heures. À midi. Je crois qu'il part à midi. Quand déjeune. Je crois qu'on déjeune à midi. À 2 heures. Je crois qu'on déjeune à 2 heures. Qu'ils arrivent. Je crois qu'ils arrivent à 2 heures. À 10 heures. Je crois qu'ils arrivent à 10 heures. Que vous partez. Je crois que vous partez à 10 heures. À 3 heures. Je crois que vous partez à 3 heures. Que j'arriverai. Je crois que j'arriverai à 3 heures. À 6 heures. Je crois que j'arriverai à 6 heures. Qu'il ferme. Je crois qu'il ferme à 6 heures. This is the end of tape 2, unit 4.